Bienvenue à Méloman, l'émission pour vous, les fous de la musique, sur les ondes du 99.1 et 88.9 CFNJ, ou encore en direct sur cfnj.net. Mathieu Lajoie au micro en cette édition du 20 avril 2016 de Méloman. Gros programme ce soir qui fait un peu écho à notre émission de la semaine passée, le Méloman Rétro, où on a exploré tout un pan de la musique qui s'est produite à la fin des années 50 et au début des années 60. Bon, évidemment, en 3 heures, on a juste égratigné la surface de tout ce qui s'est fait dans ces années-là. Et il y a quand même plein de choses extraordinaires qui se sont faites entre la musique de la semaine dernière et ce qu'on va entendre ce soir. Mais on en a entendu beaucoup au fil des émissions de cette espèce d'entre-deux-là. On a déjà exploré le Motown et les groupes féminins, par exemple. Mais ce soir, on se dirige dans une période de temps assez restreinte et assez précise, soit l'Angleterre de 1964 à 1966, une période particulière qu'on surnomme l'invasion britannique et qui avait pour chef de file incontesté les Beatles, évidemment, mais aussi des myriades de groupes qui ont vu le jour au même moment et qui ont eu une influence énorme sur tout ce qui allait suivre. Donc, l'invasion britannique originale aux environs de 64 à 66, comme on disait, et une foule de chansons que vous allez connaître, plus une foule de succès souvenirs qu'on n'entend pratiquement plus, et toujours des découvertes à faire tout au long de la soirée. Donc, c'est pas mal ça, on s'enligne sur toute une émission qu'on démarre à l'instant, avec, pourquoi pas, que des méga succès pour nous mettre au parfum de ce que c'est l'invasion britannique. She's mine, you know, she tells me all the time, you know, she said so. I'm in love with her and I feel fine. I'm so glad that she's my little girl. She's so glad she's telling the world that her baby buys her things, you know. He buys her diamond rings, you know, she said so. With me and I feel fine. Ooh. Baby says she's mine, you know, she tells me all the time, you know, she said so. I'm in love with her and I feel fine. I'm so glad that she's my little girl. She's so glad she's telling all the world that her baby buys her things, you know. He buys her diamond rings, you know, she said so. She's in love with me and I feel fine. She's in love with me and I feel fine. I can't get no sleep. as we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. My generation, baby. Why don't you all fade away? Try and dig what we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. Dig what we all say. I'm trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. Cause we get around. Things they do look awful cold. I hope I die before I get old. Et 88.9 CFNJ. You got me so I can't sleep at night. Yeah, you really got me now. You got wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure. So come on, hold me tight. Au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomane avec Mathieu Lajoie. There is et toujours un mélomane au 99.1 et 88.9 CFNJ, grand spécial centré sur l'invasion britannique des années 60 aujourd'hui. Et si vous ne saviez pas de quoi on parlait quand on parlait de British Invasion, je pense que vous le savez maintenant grâce à ce bloc incroyable rempli de méga-hits du genre qu'on vient d'entendre et qui vient de se terminer avec les Yardbirds en 1965. Groupe au sein duquel on pouvait retrouver à ce moment-là nul autre qu'Eric Clapton avec For Your Love. Et c'est pas compliqué pour se mettre au parfum, on y a été pas mal avec le plus gros hit de chacune des formations, comme The House of the Rising Sun d'Eric Burdon et ses Animals en 1964. Mention spéciale à la partie d'orgue d'Alan Price qui a beaucoup aidé au succès de la chanson. D'ailleurs, en passant, The House of the Rising Sun, qui va devenir évidemment Les Portes du Pénitencier en français, eh bien, c'est pas une composition des Animals, c'est une chanson traditionnelle que Bob Dylan chantait, entre autres, et qui a arrêté de chanter, d'ailleurs, aussitôt que c'est devenu un succès pour le groupe. Il semblerait même, on raconte, que Dylan aurait bondi hors de sa voiture quand il aurait entendu leur version pour la première fois, tellement il trouvait ça bon. Bref, il y en aurait long à dire sur chacune des pièces qu'on a entendues dans le premier bloc, parce qu'on a aussi entendu la fameuse Gloria du groupe Them, qui vient d'Irlande, mais qu'on inclut volontiers comme faisant partie de l'invasion britannique. Donc, Gloria, écrite par Van Morrison en 64, qui va être reprise par de nombreux groupes là, par la suite, tels que les Shadows of Night et les Doors, entre autres, parce qu'il y a vraiment beaucoup de groupes qui l'ont reprise. Et sinon, toujours dans les gros hits, on a entendu les Troggs, abréviation de Troglodytes, Troglodytes, les hommes des cavernes du rock, avec Wild Thing de 1966, qui, elle, va être reprise par Jimi Hendrix, qui a aussi repris Gloria, soit dit en passant. Et on est resté dans les origines du gros rock avec un des groupes les plus importants de la British Invasion, j'ai nommé les Kinks, avec encore une fois leur premier gros hit qui les a fait connaître, You Really Got Me de 1964, pour laquelle on raconte que le guitariste aurait fait une incision dans son haut-parleur, dans son ampli, pour obtenir la fameuse distorsion qu'on entend dans la pièce et qui va définir tout ce qui va s'appeler hard rock, metal et punk par la suite. Mais c'est sûrement juste une légende urbaine. Ce qui est certain, c'est que ça a été une énorme influence sur tout ce qui allait suivre. Et sinon, toujours dans le département des origines du gros rock, encore une fois, premier gros hit pour The Who avec My Generation en 65, précédé la même année par un succès international monstre, I Can Get No Satisfaction, bien sûr, des Stones, qui fait toujours son effet, et évidemment ceux qui menaient la troupe au complet, les Beatles, qui ont amorcé la soirée avec I Feel Fine, composition de John Lennon 1965. Première chanson à faire usage du feedback sur disque. Et là, on a entendu des gros hits. On se dirige encore vers des gros noms de l'invasion britannique dans le prochain bloc, mais après ça, tranquillement, pas vite, on va aussi se tourner vers le rayon découverte un peu. Mais tout d'abord, gros hit de 1964 pour Manfred Mann au 99.1 CFNJ. There she was, just a walking down the street singing. Do a diddy-diddy-dum, diddy-dum. Tapping her fingers and shuffling her feet singing. Do a diddy-diddy-dum, diddy-dum. She looked good. She looked fine. She looked good, she looked fine. And I nearly lost my mind. Before I knew it, she was walking next to me singing. Do a diddy-diddy-dum, diddy-dum. Holding my hand just as natural as can be singing. Do a diddy-diddy-dum, diddy-dum. We walked on, walk on to my door. My door. We walked on to my door. Then we kissed a little more. Oh, I knew we was falling in love. Yes, I did, and so I told her all the things I'd been dreaming of. Now we're together nearly every single day singing. Do a diddy-diddy-dum, diddy-dum. We're so happy and that's how we're gonna stay singing. Do a diddy-diddy-dum, diddy-dum. Well, I'm hurt. She's mine. She's mine. I'm hers. She's mine. Wedding bells are gonna chime. Whoa, I knew we was falling in love. Yes, I did. we're together nearly every single day singing. Oh, we're so happy and that's how we're gonna stay singing. I mean, well, I'm hers. I'm hers. She's mine. She's mine. I'm hers. She's mine. Wedding bells are gonna chime. Oh, oh, oh, oh, yeah. Do or did it, did it, dum, did it, do. We'll sing it. Do or did it, dum, did it, do. Do or did it, dum, did it, do. Bus stop, bus go, she stays, love grows under my umbrella. And if she should tell you, come closer. And if she tempts you with her charms, tell her no, no. Partout dans la Naudière. 99.1 et 88.9 CFMJ. I'm a pieces, pieces, pieces. Since you left me, I Et on vient d'entendre les Moody Blues au 99.1 et 88.9 CFNJ, toujours en plein spécial Invasion britannique de mélomanes. Donc les Moody Blues avec Go Now, leur tout premier succès de 1964, une reprise de Bessie Banks, un artiste R&B qui l'a interprété la même année. Les Moody Blues qui vont connaître leur vrai succès un peu plus tard, vers 67, en montant avec des hits comme évidemment Night in White Satin, et qui vont faire le pont un peu entre la musique psychédélique fin 60 et le rock progressif des années 70, mais qui faisait partie de l'invasion britannique originale avec ce succès qui était chanté par le guitariste Danny Lane, qui va plus tard faire partie des Wings de Paul McCartney, en passant, soit dit en passant. Et on a aussi entendu le Dave Clark 5 avec Bits and Pieces de 1964, suivi du Spencer Davis Group, groupe de Steve Winwood, un organiste qui va être un peu partout par la suite avec Hendrix, Clapton dans Blind Faith, qui va fonder Traffic pour accompagner Sean Phillips sur ses premiers albums. Bref, un peu partout. Donc le Spencer Davis Group avec Gimme Some Lovin' de 1966, qui était précédé d'Herman's Hermits, un autre groupe très important de la British Invasion, avec There's a Kind of Hush de 1967. Exceptionnellement ce soir, une chanson qui va devenir « Donne-moi ta bouche » de Pierre Lalonde ici au Québec. Et sinon, deux groupes magnifiques pour qui on fait souvent la grosse erreur de les considérer comme de simples émules des Beatles, mais qui ont le répertoire pour démentir ce préjugé honté. On parle des Zombies, le groupe le plus sophistiqué du lot, avec leur tout premier succès déjà fort prometteur, on pourrait dire « Tell Her No » de 64, précédé des Hollies en 66 avec la magnifique Bus Stop. Les Hollies, d'où nous provient en passant Graham Nash, cofondateur de Crosby, Stills & Nash, qui va aussi avoir une belle carrière solo. Donc, c'est pas surprenant que les Hollies aient été portés vers les harmonies vocales. Et tout ça qui a été amorcé par un autre groupe important, Manfred Mann, qui vont devenir, dans les années 70, Manfred Mann's Earth Band, de qui vous connaissez le gros succès Blinded by the Light, mais c'est avec leur tout premier succès qu'on les a entendus ici, Do What They Do de 64, qui va être reprise en français au Québec, bien sûr, par ce cher showman de Tony Roman. Et là, ben, on y retourne. On commence à être un peu plus dans le rayon découverte, disons, quoique c'est assez connu. Wayne Fontana et les Mindbenders, 99.1 CFNJ. te soir. Je n'ai vécu que pour celle qui répondra à cet appel. Elle m'avait promis que pour la vie nous serions toutes unies. Un autre amour l'a transformé. Sans regret, elle m'a quitté. Réduit qu'elle est trop loin. Fais voir que sans elle je ne suis rien. Je veux qu'elle comprenne mes peines. Et que sans attendre, elle me revienne. Elle ne peut me faire ça. Après ces jours, ces nuits, ces mots de joie. Répondra à cet appel. Le centre et le sud de la Naudière s'est dégagé pour les prochaines heures, un minimum de 1 degré. Jeudi s'annonce ensoleillé et chaud, maximum de 20. Et vendredi nuageux, quelques averses, un maximum de 19 degrés. Et les secteurs du nord, Saint-Michel et les environs, dégagés cette nuit, minimum à moins 1. Jeudi ensoleillé, maximum de 19 degrés. Et pluie intermittente pour vendredi, on prévoit un maximum de 14 degrés. CFNG. Bridge of sights, to rest my eyes in shades of green, under dreaming spots, to Ichiku Park, that's where I've been. What did you do there? I got high. What did you feel there? Well, I cried. But why the tears there? Tell you why. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. I feel inclined to blow my mind. Get on, feed the ducks with a bun. They all come out to groove about, be nice and have fun and listen. Tell you what I'll do. What will you do? I'd like to go there now with you. You can miss out school. Won't that be? Why go to learn the words of who? What will we do there? We'll get high. What will we touch there? We'll touch the sky. But why the tears there? I'll tell you why. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. I feel inclined to blow my mind. Get hung up, feed the ducks with a bun. They all come out to groove about, be nice and have fun in the sun. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. Ha! It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's

forget all our troubles, forget all our cares, so go downtown. Things will be great when you're downtown. Don't wait a minute more, downtown. Everything's waiting for you. Au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. CFNJ 99.1 88.9. Et toujours en plein spécial British Invasion à Mélomanes, invasion britannique qui n'était pas constituée exclusivement, comme on a souvent tendance à le penser, de groupes du genre des Beatles. Il y a aussi eu des artistes solo qui sont sortis du lot et qui faisaient aussi partie de la dite invasion. Et la Britannique Petula Clark en est un bel exemple. On en avait parlé un peu la semaine passée. Petula Clark qui va connaître le succès en anglais, en français et même en allemand. Et dont la carte de visite était évidemment Downtown de 1964, qu'on vient tout juste d'entendre et dont on avait déjà entendu la version française à l'émission Dans le temps. On a aussi entendu Peter and Gordon la même année avec A World Without Love, très belle pièce composée par nul autre que Paul McCartney. Comme quoi, un rejet des Beatles, c'est encore un hit. Peut-être que ça a aidé un peu, disons, que Peter Asher, le Peter de Peter and Gordon, ait été le beau-frère du temps de Paul McCartney. Mais bon, c'est quand même devenu une des deux seules fois où une chanson des Beatles chantée par un autre artiste que les Beatles est devenue numéro un. L'autre étant la version d'Elton John de Lucy in the Sky. Et c'était précédé des Small Faces, encore une fois exceptionnellement en 67 avec Ichiku Park. Les Small Faces, un groupe important de la scène des Mods, dont faisaient aussi partie initialement les Who et qui vont devenir plus tard les Faces tout court. Et qui vont faire, les Faces vont faire connaître Rod Stewart, entre autres. Et le chanteur original des Small Faces, Steve Marriott, lui, va fonder le groupe Humble Pie au même moment. Et sinon, on a aussi entendu notre première de la soirée en français. C'est quand même un spécial sur l'Angleterre, mais avec Bruce et les Sultans en 66 et leur magnifique version d'une chanson des Zombies, Leave Me Be, qui devient en français Dis-lui. Il va sans dire que les groupes du Québec vont subir une énorme influence de l'invasion britannique. On va en réentendre plus tard, évidemment. Et juste avant, une composition de Jack Nitzsch, responsable, entre autres, de beaucoup de musique de films. On l'a entendu dernièrement avec le thème de « Vol au-dessus d'un nid de coucou » à l'émission. Donc, avec sa composition « Needles and Pins », version des Searchers en 64, qui était précédé de Wayne Fontana et ses Mindbenders en 65 avec The Game of Love. Et là, il faut que j'arrête de parler un peu parce qu'on a plein de belles musiques à venir. On écoute Freddy and the Dreamers au 99.1 CFNJ. When I say I love you, I love you. Maybe you'll believe me when I'm finally through, through, through, through. I'm telling you now, I know it's been said before. Say you love me and I will be sure I'm in love with you now. When I say I love you,

Quand as-tu décidé à parler d'amour? Puisque tu me tiens pour toujours au creux de ta main, comme un tout petit pantin. Je suis la sourde des chevaux de bois qui tournent dans la lumière. Parfois je suis sur l'Himalaya, parfois plus bas que terre. À parler d'amour, puisque tu me tiens pour toujours auprès de ta main, comme un tout petit pantin. Tu m'emmènes sur les autoscooters et sur le toboggan, mais c'est toujours toi le grand vainqueur, toujours moi le perdant. À parler d'amour, puisque tu me tiens pour toujours auprès de ta main, comme un tout petit pantin. Quand as-tu te décidé à parler d'amour, puisque tu me tiens pour toujours auprès de ta main, comme un tout petit pantin. Comme un tout petit pan. Toujours à Méloman, special British Invasion au 99.1 et 88.9 CFNJ, et on vient d'explorer une fois de plus le pendant féminin de cette invasion musicale des années 60. Sandy Shaw, artiste britannique qui nous interprétait la version française de son propre succès Puppet on a String, devenu un tout petit pantin en 67. Et oui, quelques exceptions à gauche, à droite, côté année. Et c'est toujours un succès initialement de Sandy Shaw qu'on a entendu juste avant, soit Monsieur Dupont, mais cette fois-ci version québécoise par les Miladies, deux filles de Trois-Rivières et une de Shawinigan. On a aussi entendu une autre version québécoise, cette fois-ci des Hoolops en 66 avec Vendredi m'obsède, reprise de Friday on my mind du groupe australien The Easy Beats, qui est quand même considéré comme faisant partie de l'invasion britannique. On a aussi entendu les Seekers en 67 avec Georgie Girl, qui suivait un autre groupe important plutôt du genre, soit le Dave Clark Five encore une fois avec la magnifique Because de 64, qui suivait les Beatles avec This Boy de 63 et Freddy and the Dreamers la même année avec I'm Telling You Now. Et on poursuit tout de go avec les Nashville Teens au 99.1 CFNJ. Tobacco Road. Tobacco Road. Save some money, get rich and old. Bring it back to Tobacco Road. Your home. Again,

He adores the girl next door, 'cause he's dying to get at her. But his mother knows the best about the matrimonial stakes, 'cause he's out so good, and he's out so fine, and he's out so healthy in his body and his mind. He's a well-respected man about town, doing the best thing so conservatively. In the chilly hours and minutes of uncertainty, I want to be in the warm hold of your love and mine. To feel you all around me, and to take your hand along the sand. But I may as well try and catch the wind. When sundown pales the sky, I want to hide a while behind your smile, and everywhere I'd look, your eyes are fine. For me to love you now would be the sweetest thing, 'twould make me sing. But I may as well try and catch the wind. Toujours à l'antenne du 99.1 et 88.9 CFNJ en plein spécial British Invasion de Méloman, et ce partout dans la Naudière et même au-delà si vous écoutez depuis la plateforme cfnj.net. D'ailleurs, je sais de sources sûres qu'on écoute même Méloman depuis le Costa Rica et la Colombie-Britannique ce soir, donc vive Internet et salut à vous dans vos contrées lointaines. Méloman all over the world. Et Donovan, qu'on vient d'entendre tous ensemble et qui commençait tout juste sa carrière en 1965 avec Catch the Wind, une chanson qui n'est pas sans faire penser à du Bob Dylan. Mais Donovan va trouver sa propre voix au fil des années. On a aussi réentendu des groupes importants qu'on a entendus dans notre premier bloc et qui ont beaucoup trop de bonnes chansons pour qu'on s'arrête là. Les Kinks, qu'on a entendu en 65 avec A Well-Respected Man, qui représente seulement une fraction de tout ce qu'ils ont produit d'excellent dans les années 60. Les Stones aussi avec Tell Me, leur toute première composition de 1964. On sait que les Stones faisaient un peu plus des reprises au début de la carrière. Première composition, premier album, Tell Me. Et tant qu'à être dans les débuts, on a aussi entendu le Fab Four à leur tout début. Les Beatles, évidemment, avec I'll Get You de 1963. Une chanson qu'on entend un peu moins souvent et où on entend déjà la puissance des harmonies vocales de McCartney qui nous laisse présager tout ce qui allait suivre. Et c'était précédé du fameux Hippie Hippie Shake des Swinging Blue Jeans. On est au tout début, encore une fois, de ce qu'on va appeler l'invasion britannique en 63. Et le tout amorcé par l'excellente Tobacco Road des Nashville Teens en 64. Et là, je vous le dis, il y a beaucoup, beaucoup de merveilles à suivre. Donc, on poursuit avec un peu de féminité en la personne de Loulou, 99.1 CFNJ. Low school girl day.

trouble. You see, I lost my little girl too. I'd help another place another time. You've got your troubles, I've got mine. You've got your troubles, I've got mine. Mélomane spécial invasion britannique des années 60 au 99.1 CFNJ partout dans la Naudière. Et voyez-vous, la Naudière, je crois que vous connaissiez sûrement la dernière pièce sans en savoir le titre, si souvent ce qui arrive. Mais en bon mélomane, vous allez savoir maintenant que cet air qu'on siffle automatiquement en l'entendant s'intitule Winchester Cathedral par le New Vaudeville Band en 1966, qui était précédé d'une autre que vous connaissiez sans doute, soit The Fortunes avec You've Got Your Troubles de 1965. Et tout ça qui nous amène à dire qu'on était du côté quand même un peu plus pop des choses, des artistes et des chansons qu'on penserait peut-être pas d'emblée associées à tout ce phénomène qu'a été l'invasion britannique qu'on explore ce soir. Mais oui, c'était aussi ça l'invasion britannique. C'est même ça qui nous a fait connaître Tom Jones, natif des Pays de Galles, qu'on a entendu avec son méga succès « It's Not Unusual » de 1965. On était toujours du côté des groupes, par contre, en début de bloc avec Jerry and the Pacemakers, groupe important du genre qu'on n'avait pas encore entendu avec une de leurs plus belles, « Don't Let the Sun Catch Your Crying » de 1964, qui était précédé d'Herman's Hermits, qu'on entend pour la seconde fois ce soir avec la on ne peut plus anglaise Mrs. Brown, You've Got a Lovely Daughter de 1965, qui va être reprise au Québec par les Aristos. Et parlant du Québec, on a entendu des reprises des Beatles, soit Hold Me Tight, version baronnet avec feu René Angélil, et c'est tout, mais c'est fou, c'est tout, évidemment, mais aussi une reprise des Stones par les Impairs, groupe originaire de Saint-Hyacinthe,

misunderstood. Understood. Yes, I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Someone has to help me. I never seem to know what to do. I just can't decide for myself. She has told me in so many words that she's still in love with me, and she wants me back. She wants me back with her again. She said, why don't you come back home to me? Why don't you come back where you belong? I need you near. Why don't you come back home to me? Why don't you come back where you belong? I want you by my side. Someone show me which way to go. Guiding in my choice of what to do. Someone has to help me. Dance. dance with you. CFNJ 99.1 et 88.9, avec vous partout dans la Naudière.

Et ce grand spécial Invasion britannique 1964 à 1966 qui se poursuit magnifiquement. Ben honnêtement, je pense que le bloc qu'on vient d'entendre a joué un petit peu trop tard ce soir parce qu'on était à l'instant au cœur même de ce qui fait que cette période musicale nous est si chère. Donc, vous savez que vous avez bien fait de toujours être là, chers auditeurs. On sait jamais ce qu'on peut manquer. En fait, on a fini ça avec un groupe qui fait pas, à proprement parler, partie de l'invasion britannique, même s'il s'agit de Britanniques purs et durs, mais qui sont un groupe sans qui il y aurait probablement jamais eu d'invasion britannique. Il y en a même qui vont jusqu'à dire que 100% de l'invasion britannique vient d'eux. On parle ici des Shadows, qui ont commencé leur carrière en accompagnant Cliff Richards, très influent en Angleterre, et qui ont par la suite eu leur carrière bien à eux, qui sont devenus un genre de Ventures britanniques. Donc, les Shadows avec leur composition Apache, qui est effectivement leur composition, même si on a mieux connu la version de Jörgen Ingman ici au Canada et aux États-Unis. Mais les vrais classiques de la British Invasion, on les a entendus juste avant avec des groupes qu'on avait entendus tantôt avec respectivement leurs plus gros hits. Mais là, on a creusé un peu plus avec les Yardbirds qu'on avait entendus tantôt avec Clapton. Mais là, c'est Jeff Beck qui tient le rôle de guitariste avec son Heart of Full of Soul de 1965, qui était précédé la même année des Kinks avec Till the End of the Day, quasi punk. Et c'est là qu'on peut voir leur influence parce qu'on a entendu juste avant le tout premier 45 tours du groupe The Who, I Can't Explain de 1964, une chanson déjà inspirée par You Really Got Me des Kinks à ce moment-là, et I Can't Explain des Who, qui en passant a été reprise par Scorpions dans les années 80. Sinon, on a aussi entendu un autre succès de 1966 pour les Troggs avec With a Girl Like You, qui suivait une magnifique pièce moins connue des Zombies, I Can't Make Up My Mind, en 1965. Et on est resté en 1965 pour tout le début du bloc, finalement, avec un autre classique, toujours une reprise, mais version The Animals avec Don't Let Me Be Misunderstood, précédé de Them, featuring Van Morrison, comme toujours avec Here Comes the Night. Donc toujours de 65, du gros stock, comme dirait l'autre. Et nous, eh bien, on se transporte en 64 avec Jerry and the Pacemakers, 99.1 CFNJ. Life goes on day after day. Hearts torn in every way. So ferry across the Mersey, 'cause this land's the place I love, and here I'll stay. People, they rush everywhere. With their own secret care. So ferry across the Mersey and always take me there, the place I love. People around every corner, they seem to smile and say, we don't care what your name is, boy, we'll never turn you away. So I'll continue to say, here I always will stay. This land's the place I love, and here I'll stay, and here I'll stay, here I'll stay.

que moi. Tu me reviendras. Oh oui. Tant de choses à dire. Oui, je sais. Tant de choses à dire. Tant de choses à dire. Stand someday. Oh, say goodbye to you. Wish you didn't have to go. No, no, no, no. And when the rain beats against my window pane, I'll think of summer days again and dream of you. And dream of you. CFNG. Trust in me, I'm the Pied Piper, and I'll show you. toujours en plein spécial British Invasion Mélomane au 99.1 CFNJ, où on vient d'entendre un doublé de 66, Crispian St. Peter's avec The Pied Piper, qui est une chanson que les Sultans avaient repris, Sultan qu'on a entendu juste avant avec Tu es impossible, reprise I Can Only Give You Everything, une chanson que plusieurs groupes avaient chantée, dont les Troggs et Them, qu'on a entendu pas mal. Juste avant ça, deux ballades de 64, A Summer Song de Chad and Jeremy et Marianne Faithfull à ses débuts, conjointe d'un moment de Mick Jagger avec son premier succès, qui est justement une composition de Jagger Richards, composée pour elle, mais qui va aussi bientôt devenir une chanson des Stones la même année, en fait. Et les Stones, qui ont aussi été représentés juste avant par les Bel Air, groupe originaire de Québec, avec tant de choses à dire, de 65 reprises de Time is on my side. Et on avait débuté tout ce beau bloc avec deux pièces, toujours de 64, soit Ferry Cross the Mersey, un classique de Jerry and the Pacemakers, suivi de Yeah Yeah, de Georgie Fame and the Blue Flames, pardon, Georgie Fame and the Blue Flames, que j'espère vous avoir fait connaître. Et nous, on y retourne pour un petit dernier bloc. On reste dans l'invasion britannique originale, évidemment. Oh, attendez une seconde. Oui, 1963 avec les Hollies, 99.1 CFNJ. So I'm in love with you. Oh, I found out how good it feels to have your love. Say you will, I will be. Wish start that won't get you into his heart. So if you're thinking of heartbreak, true love is all you gotta do is hold him and kiss him and squeeze him and love him. Yeah, just do it. And after you do, everybody's got to win a heart. Everybody's got to love somebody sometime. When you do, I hope you never part. I once found love just like you. But then he came, he might come to you. And don't you know, somebody sometime, but everybody can part. Everybody's got to lose somebody sometime, so take care that you don't lose your heart. Take my advice and you'll always find, and you'll be happy all of the time. Take my advice and you will see, you'll be happy as you can be. Got to have that day. Don't you know that everybody's got to love somebody sometime? Everybody's got to win a heart. Everybody's got to love somebody sometime. When you do, I hope you never part. You never part. Listen, people. C'est ce qui met fin à ce super spécial British Invasion Méloman au 99.1 CFNJ. J'espère que vous avez eu du fun, comme que ça vous a rappelé des souvenirs et peut-être même que ça vous a appris des choses. On vient d'entendre une autre belle Dermot Zermitt's Listen People de 66, qui était précédée de deux de 63 plutôt, Dusty Springfield Wishing and Hoping, composition de Burt Bacharach. Et les Hollies avec Just One Look, un de leurs premiers succès. Donc, n'oubliez pas, je ne vous l'ai pas dit tantôt, semaine prochaine, 1967, Summer of Love, et je vous dis, ça va être vraiment quelque chose. Écoutez, merci d'avoir été là, et en vous souhaitant une belle nuit et une excellente semaine, je vous laisse en 1965 avec une composition de George Harrison au 99.1 CFNJ. Though you've gone away this morning, you'll be back again tonight, telling me there'll be no next time if I just don't treat you right. You'll never leave me and you know it's true, 'cause you like me too much and I like you. You've tried before to leave me, but you haven't got the nerve to walk out and make me lonely, which is all that I deserve. You'll never leave me and you know it's true, 'cause you like me too much and I like you. I really do